Voilà la carte du monde. La Terre est ronde comme une orange. Cette carte est comme son écorce qu'on aurait mise à plat. Une autre histoire des grandes découvertes, premier épisode, l'histoire à part égale. Nous avons pensé que c'était peut-être pas indispensable d'associer la ville de Paris, en tout cas je ne voulais pas le faire, au 5e centenaire de la découverte du Nouveau Monde, mais qu'en revanche on pourrait peut-être faire quelque chose qui concerne les conséquences que cette découverte avait eues sur les populations qui l'avaient subies. C'est-à-dire que là, vous mettez un petit peu en cause la façon dont l'anniversaire de la découverte d'Amérique a été traité plutôt côté Ancien Monde que Nouveau Monde. Non, c'est-à-dire que curieusement, une espèce d'égocentrisme, en réalité, quand on a voulu faire le 5e centenaire, ce qui devait se passer s'est passé, c'est-à-dire que toutes les manifestations, presque, qu'il s'agisse des expositions, des films, des ouvrages, des conférences de tout poil, ont été exclusivement consacrées aux conséquences qui ont été très importantes pour l'Ancien Monde de la découverte du Nouveau Monde. Mais on ne s'est pas penché sur le sort de ceux qui avaient subi le choc de l'arrivée des conquistadors et qui ont été les victimes d'un des plus grands génocides du monde. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Ceux qui méritent qu'on fasse leur histoire, ceux qui méritent qu'on dise qu'ils font eux aussi l'histoire. Romain Bertrand, bonjour. Bonjour. Deux motifs de reconnaissance, je crois, à Jacques Chirac. Premier motif, cet effort d'histoire à part égale. Et puis peut-être un autre motif que vous m'avez indiqué tout à l'heure. Oui, sous le sceau de la confidence. Oui. Quand il a été président de la République, il a aboli le service militaire. Il a aboli le service militaire, évidemment, pour ma génération. Ça vous a donné deux années d'études supplémentaires que vous avez menées à bien. Et maintenant que vous êtes avec un chapeau à plumes, vous menez un collectif de quelques 80 auteurs. C'est un livre qui sort jeudi prochain aux éditions du Seuil et qui s'appelle « L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes ». Alors on apprend beaucoup de choses sur la naissance du mot, du concept de grande découverte. Oui, parce qu'en fait on commence aussi tout simplement par faire l'histoire de cette notion, de cette expression. Et c'est une tare venue dans l'histoire des idées et dans l'idée qu'on se fait de l'histoire de l'Europe. Elle est due essentiellement à Alexandre de Humboldt, qui avait lui-même beaucoup voyagé en Amérique latine, du Sud, au Mexique, 1800, oui. Voilà. Et puis elle sera reprise par la suite et développée par aussi bien Michelet que Burckhardt. Et ce qui est très intéressant chez Humboldt, c'est que cette notion de grande découverte, en fait, lui permet d'ordonner une suite des temps dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire qu'il en fait la scansion même de l'histoire européenne. Elle lui permet de séparer ce qu'il appelle les temps modernes de cet âge médiéval, qui n'est du coup d'ailleurs plus si obscur, puisqu'il prépare la Renaissance. Et donc cette espèce de noyau notionnel qui associe les grandes découvertes à l'entrée dans la modernité, via la Renaissance, eh bien, c'est essentiellement à Humboldt qu'on en doit la formulation. Préparé dès le Moyen-Âge, les grandes découvertes sont l'aboutissement d'un processus cumulatif qui donne un avantage décisif à l'Europe. Oui, pourquoi vous me regardez un sourire en coin ? Non, parce qu'on aurait pu raconter les choses comme ça. Mais... Bah c'est bien, c'est quand même une fresque qui a une grande puissance évocatrice. Oui, c'est une fresque qui a une grande puissance. Et d'ailleurs, il ne s'agit d'ailleurs pas d'en faire l'histoire critique pour la balayer de façon définitive. Il s'agit aussi de comprendre précisément la puissance d'emprise qu'elle a pu exercer sur nos imaginaires et sur notre récit public, sur le récit de ce que nous croyons avoir été, notre entrée en modernité. Et donc il s'agit de la prendre très au sérieux aussi et non pas de la balayer. Donc ce discours, par exemple, de la cumulativité de la connaissance du monde à travers des entreprises exploratoires, des expéditions toujours réitérées, une espèce de, on pourrait dire, de cumulativité des expériences, c'est un discours qu'il faut prendre au sérieux. Après, c'est un discours, évidemment, qui fait fi de tout un ensemble de choses et du fait qu'il y eut probablement 10 naufrages pour une entrée triomphale dans une baie, que tout ceci prit place sur des siècles et que de puissants moyens institutionnels y furent associés. Et là, les légendes des génies individuels, évidemment, masquent tout ce que cela a comporté aussi de, évidemment, de moyens étatiques ou de financement privé. Les moyens étatiques, ils ont aussi été mis en place, notamment en Espagne, pour constituer un trésor archivistique de l'histoire de l'expansion européenne. Alors, il se trouve, Romain Bertrand, que l'État, sans doute, qui est vraiment très libéral avec vous, vous a envoyé à Séville, où vous avez été précédé par Pierre Chaunu, maître de l'histoire comparée. On trouve encore les signets à son nom dans les archives de Séville qu'il a compulsé avec l'aide décisive de sa femme Huguette, ce qui le reconnaît d'ailleurs dans cette archive histoire d'historien. Vous descendez donc à Séville avec votre femme, oui. Huguette, et vous commencez donc à trouver ce trésor, parce que tout compte fait, un historien n'est rien sans les archives qui vont lui servir de base et de support. J'ai démarqué Contaduría, il suffisait d'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces Contaduría? Eh bien, il y avait tout. Il y avait toute la comptabilité, naturellement, du commerce, entre autres, tout ce qu'ils avaient. Vous savez, c'est une administration, c'est pas pour rien qu'on a dit qu'ils ont une bureaucratie formidable, très en avance sur celle de la France. Alors, écoutez, il suffit de les mettre en ligne, quoi, c'est tout. Il suffit, ce sont des centaines et des centaines de liasses qu'il faut brasser. Oui, et puis alors, ce sont des centaines de liasses, et puis alors, il y a de la mauvaise habitude où les chiffres sont en romain. Et on s'aperçoit qu'à cet égard, les chiffres arabes, c'est quand même, qui sont, comme leur nom l'indique, qui sont des chiffres hindous, indiens, on comprend quand même que c'est mieux. Oui, d'accord, mais enfin, écoutez, ça c'est un aspect technique qui est maintenant enfantin, dépassé. Hein. La saisie, c'était Huguette, la mise en ligne, ça a eu lieu plus tard, et puis tout de suite la passion comparatiste, les chiffres arabes sont des chiffres hindous, etc. Comment est-ce ce bâtiment d'archives, un palais de parchemins? Oui, un palais de parchemin. Alors, il se trouve que la salle de consultation n'est pas située dans le plus beau bâtiment, le bâtiment historique, dont il faut rappeler que c'est un lieu d'archives qui a été bâti sur décision royale. En 1785, on a réuni l'ensemble des documents des Indes, qui étaient jusque-là dispersés entre Simancas, Séville, Cadix. Et du coup, on a créé, d'une certaine manière, un lieu qui balisait par avance le chemin de connaissance des historiens. Donc on se trouve dans un lieu qui est fait pour nous expliquer précisément que cette histoire se tient, et oui, qu'elle est celle d'un grand empire. Vous êtes là pour créer des parallèles, des bifurcations. Alors, ce chemin des historiens, expliquez-vous, dans ce livre collectif que vous avez piloté, c'est le mot, c'est une basse continue, et puis de grands solos, qui sont des morceaux de bravoure. Colomb, qui a donné son nom à la Colombie, Bering, qui a donné plus tard son nom au détroit de Bering. Vous intéressez beaucoup à Magellan, paraît-il. Oui. Il y a des archives Magellan spéciales à Séville. Il y a autre chose que des chiffres. Il y a des journaux de bord, il y a des correspondances. À l'essentiel des archives concernant l'expédition de Magellan sont effectivement conservées à l'Archivo General de Indias à Séville. Puisque par définition, c'est après avoir quitté le Portugal que Magellan a commencé à échafauder sa grande entreprise. Donc oui, il y a d'ailleurs une grande exposition en ce moment même dans le bâtiment principal de l'archive des Indes à Séville, où on peut voir les documents, les rôles d'équipage, les rôles d'avitaillement, effectivement les journaux de bord, les routiers tenus par des compagnons de Magellan, qui lui évidemment ne finit pas le voyage. Oui, alors, échafauder une entreprise, tout n'est pas prédéterminé. Il y a un traité depuis 1494, béni par le pape, entre l'Espagne et le Portugal, qui partage le monde en deux, et Magellan ne va pas mordre, c'est du moins pas son intention, sur cette ligne de partage. Vous parlez de ses compagnons, alors parmi les compagnons, Henriquet, qui tient une place, alors que ce n'est qu'un esclave, dans le roman de Stefan Zweig, de 1938, sur Magellan, lui-même la source du roman de Léonce Payard, en 1948, qui lui-même est la source de cette dramatique de la radio Albert Riera, en 1955. Triste pas 1520 pour l'armada commandée par Magellan, mon maître. Les cinq navires, la Trinidad, neuf amirals, le Sant'Antonio, la Concepción, le Santiago et la Petite Victoria sont ancrés dans la baie de San Julián, au 47e degré de latitude du nouveau continent. Magellan, à la recherche de ce détroit et qui doit nous mener aux Moluques, est descendu trop au sud, semble-t-il. Depuis que nous nous sommes emparés, par ruse, de deux hommes très grands de jambes, des Patagons, Le rivage est désert. Pas un bruit. Rien. Sauf la cloche du bord qui pique l'heure. Et puis peu à peu, le personnage d'Enrique, l'esclave, pilote, prend de plus en plus de place. Nous sommes l'année suivante, en 1521. Nous étions le 17 mars. On repart, encore 7 jours de navigation, pour l'entendre encore crier. Des terres, des îles étaient en vue. Ah, quel bonheur! Magellan, mon maître, donna aussitôt des ordres. Que l'on relâche devant la plus petite de ces îles. Des indigènes approchent. Ah, ils ne sont pas armés. Ils dansent. Ils font même des signes amicaux. Certains portent des paniers chargés de fruits. Les braves gens. Leur chef est en tête. Qui pourra les comprendre? Moi je comprends. Hendrik? Oui? Tu comprends ce qu'il dit? Oui, seigneur, c'est un dialecte malais. Un dialecte malais? Oui. Mais alors? Ah, messieurs, remercions Dieu, à genoux! Nous n'avons pas encore fait le tour de la terre. Mais c'est Hendrik et mon esclave malais qui, lui, a fait le premier le tour du monde. Quelle leçon d'humilité! Vous voyez, quelle leçon d'humilité! L'histoire à part égale, Romain Bertrand. Enrique, il sait apostropher dans une langue dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est. Enfin, vous qui êtes un spécialiste du monde indonésien, peut-être pouvez-vous dire les bateaux, les membres du bateau, oui, de l'autre côté. Oui, tout. Et surtout, c'est le premier à descendre à terre et à converser, à prendre langue avec les souverains des îles orientales des Philippines, Limasawa, Homonon, puis Cebu. Cette langue, c'est tout simplement probablement le malais, qui est le grand pidgin commercial de l'Asie du Sud-Est, de l'océan Indien précisément jusqu'à l'archipel philippin. Et Enrique, c'est cet esclave, effectivement, cet adolescent de 17 ou 18 ans, que Magellan, lorsqu'il sert pour la première fois en Asie, pour le compte de la couronne portugaise, lorsqu'il prend part à la conquête du sultanat de Malacca, eh bien, ramène avec lui, l'emmène d'ailleurs servir pendant la bataille d'Azemmour, et puis l'emmène, voilà, traverser l'Atlantique, descendre les côtes du Brésil, de l'Argentine, traverser. Et là, effectivement, eh bien, lorsque les Espagnols arrivent aux Philippines, Enrique converse en malais avec les potentats locaux. Et c'est très important parce que ça veut dire que là, le rôle d'intermédiaire d'Enrique va bien au-delà du fait qu'il y avait là tout simplement un technicien des langues. Ça signale que les Philippines appartenaient depuis des temps anciens à cet ensemble qu'est l'Eurasie, et d'une certaine manière les Européens qui ont ou qui s'apprêtent à faire le tour du monde, eh bien trouvent à l'autre bout du monde non pas un lieu sans histoire, un lieu décroché de la marche du monde, mais un lieu qui a toujours été solidement arrimé. Donc Enrique, c'est la figure de l'intermédiaire qui permet de rappeler qu'il y a bien deux mondes en présence et que le monde malais est un monde tout aussi dense et complexe que celui de l'Europe. Et votre autre histoire des grandes découvertes qui paraît jeudi 3 octobre aux éditions du Seuil insiste, un fil conducteur, sur le rôle de ces agents, de ces intermédiaires culturels, qui sont parfois des agents doubles, parce que, si je suis bien informé, quand, vous l'avez dit, Magellan meurt, est-ce que, le dit Enrique, mécontent du comportement du successeur de Magellan, ne va pas prendre langue, encore une fois, avec le roi de Cebu, qui invite les Espagnols à un banquet, et plein d'Espagnols meurent. D'autres disparaissent. Quant à Enrique, on ne l'a jamais vu reparaître. Agent double? Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'interprétation du principal chroniqueur de l'expédition, Pigafetta, qui est un fidèle d'entre les fidèles de Magellan, qui vient de mourir donc sur l'îlot de Mactan, en face de Cebu, eh bien son interprétation, c'est que les Espagnols ont été trahis par Enrique. Alors pour une raison d'ailleurs qu'explique Pigafetta, qui était que Enrique, voyant Magellan mort, eh bien se pense libéré, affranchi de toute servitude. Et là, un capitaine des bateaux lui dit non, même si on revient en Espagne, eh bien tu seras encore l'esclave de la femme de Magellan, Doña Beatrice. Mais ça n'est qu'une interprétation, il y en a d'autres, y compris dans les sources d'époque, qui disent qu'en fait le roi de Cebu s'est débarrassé des Espagnols parce que ceux-ci, eh bien, commençaient à violer les femmes indigènes. Donc Enrique, c'est le traître pour certains commentateurs européens de l'époque. En revanche, c'est devenu un héros national aux Philippines et en Malaisie, puisque c'est celui qui, pressentant de quelle dévastation les Européens étaient porteurs, eh bien, essayaient de stopper leur progression en Asie. Donc c'est un héros national. Ça y est, vous commencez à parler comme Jacques Chirac. Votre autre histoire des grandes découvertes ne fait pas la distinction entre les bons conquérants et les méchants, parce que chacun d'entre eux a sa part d'humanité et sa part de cruauté. Même Cortés, on est exactement dans les mêmes années avec la conquête de Cortés, autour de 1520, aurait dit « je préférerais ne pas savoir signer pour ne pas signer des arrêts de mort, ça doit être de la légende ». Auprès de Cortés, il y a une transformiste, parce que c'est un transformiste, Enrique, et la Malinche, dont je voulais vous faire dire un mot, c'est une transformiste aussi. Oui, tout à fait. Alors la Malinche, c'est donc, une femme qui est la maîtresse de Cortés. Voilà, qui est la maîtresse, alors qui ne l'est pas devenue volontairement non plus. C'est une jeune femme, peut-être d'origine noble, mais on n'en est pas complètement sûr, que les Espagnols, donc l'expédition de Cortés, partie de Cuba, rencontre sur les côtes du Yucatan, et qui a cette particularité donc de vivre en monde maya, ce monde de la péninsule du Yucatan, mais dans une partie du Yucatan qui est en contact avec le monde aztèque, et donc elle comprend l'aztèque. Donc les Espagnols arrivent d'abord chez les Mayas, ils donc prennent avec eux à bord des navires cette jeune femme qui comprend l'aztèque, et à partir du moment où ils marcheront sur Mexico depuis Veracruz, eh bien son rôle ira un peu au-delà même simplement de l'interprète, puisqu'elle sera aussi d'une certaine manière l'experte S dissensions indigènes au service des Espagnols, ce qui en fait une figure évidemment très clivante dans l'histoire et la mémoire nationale mexicaine. Agent double maya qui en veut aux Aztèques. Vous nous pardonnerez de vous faire écouter encore le vieux pionnier Pierre Chaunu, et ensuite c'est le groupe Feu Chatterton. Regardez bien cette femme, la Malinche, Marincin, Doña María, Mariana, elle a d'autres noms encore. Eh bien, des trois personnages, c'est peut-être le personnage clé, celle la plus importante. Cette femme, elle a 20 ans. Sa vie, jusque-là, a été atroce. C'était une grande dame par sa naissance. Elle est la fille d'un chef. Elle est de la zone intermédiaire. Elle est entre les Mayas et les Aztèques. Sa patrie, son peuple, dont son père était le chef de ce peuple, était un cacique, comme on dit, sa patrie a été conquise, écrasée par les Aztèques. Et les Aztèques, elle les hait. C'est elle qui souffle les réponses à Cortés. Ancienne, te méfier des braves, de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire, ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Alors avec Chaunu et Feu Chatterton, la légende prend des couleurs de muralisme mexicain, la sainte, la démone. Alors avec Romain Bertrand et les auteurs de son collectif, une autre histoire des grandes découvertes s'apparaît au seuil. Jeudi prochain, tout est en nuance. Ça aurait pu s'appeler les grandes découvertes en 92 date. Oui, alors pour dire la vérité, ça devait s'appeler plutôt le tour du monde en 80 dates, mais évidemment on a débordé. Mais 92 c'est pas mal. 92 c'est pas 1492, mal, c'est un peu ambigu. Vous n'avez pas voulu endosser cette ambiguïté. Alors, il y a des moments de micro-histoire dans cette vaste peinture. Et je vous propose qu'on s'arrête à l'un d'eux, encore un agent double, un transformiste. C'est vous qui avez rédigé, en plus de l'introduction, l'article « Cabeza de Vaca ». Nous sommes autour de 1530 maintenant. Et nous sommes où d'ailleurs, dans les États-Unis actuels? Nous sommes à l'extrême nord du Mexique actuel, dans la partie désertique qui s'ouvre sur les États-Unis. Cabeza de Vaca, c'est un grand fonctionnaire de la couronne espagnole qui prend part à l'expédition. Bien sûr, de... c'est pas une hypothèse comme celle de Chaunu qui dit que la Malinche est fille de Cacixtin, un fils de la petite noblesse espagnole. Oui, oui, tout à fait. Non, on connaît très bien la vie de Cabeza de Vaca. On connaît ses aventures parce qu'il en a livré le récit. Il y a une documentation assez conséquente sur sa carrière passée cet épisode. Donc, il embarque sur une expédition de Panfilo de Narvaez, alors qu'il veut se refaire un nom puisque précisément il a un peu échoué à arrêter Cortés comme il en avait mandat. Découverte de la Floride, naufrage et 1527. Là. Voilà, en 1527. Et c'est une expédition avec beaucoup d'hommes et beaucoup de moyens. C'est une expédition colossale qui est un désastre absolument 700-800 personnes. Colossal, oui, oui. Et il ne reste à la fin des fins, errant dans les déserts du nord mexicain, que quatre survivants, dont Cabeza de Vaca. Parce que ce chef d'expédition, Narvaez, c'est un peu aguerri, quoi. Il s'est perdu à l'intérieur. C'est ça. Il est revenu ayant perdu les deux tiers de ses hommes sur la côte. Ouais. Après, il a construit des barques. Oui. Imaginant pouvoir rentrer en Espagne, peut-être. Continuer toujours, y compris jusqu'à s'enfoncer dans le désert et à perdre ses hommes les uns après les autres. Alors, il reste quatre bons hommes autour de Cabeza de Vaca et qui sont tributaires. Des Indiens parmi lesquels ils vivent. Et Cabeza de Vaca se fait remarquer d'eux. Alors, il est vanier, il exerce quelques métiers manuels et il devient chaman. Chaman, transformiste. 1536, voici que, par miracle, un groupe d'éclaireurs espagnols est en vue. Et Cabeza de Vaca et ses trois compagnons alors tiennent un conciliabule. C'est un peu comme Robinson Crusoe quand il voit arriver les Anglais au large. Est-ce qu'on dit ce qu'on a vraiment vécu? Les Espagnols vont nous couvrir de chaînes. Et alors, ils décident quand même de faire semblant d'être dans l'enthousiasme et agitant des propos amicaux. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des loyaux serviteurs de la croix. Ils décident de se faire reconnaître des Espagnols. Oui, je suis Cabeza de Vaca, oui, oui. Et puis la même question que Robinson Crusoe posera plus tard, mais quel jour sommes-nous? Quelle année sommes-nous? C'est un extrait d'un film que... Vous signalez dans votre article un film mexicain de Echeverria. Alors c'est un personnage fascinant, surtout que vous racontez aussi la suite de sa vie. Oui, alors c'est un personnage fascinant parce qu'en fait c'est l'incarnation de la figure finalement assez rare dans l'histoire des explorations ibériques au XVIe et au XVIIe siècle, du conquistador conquis par le monde qu'il était censé soumettre. Parce que pendant 8 années, eh bien, Cabeza de Vaca et ses compagnons vont devoir tout simplement survivre, passer d'une tribu à l'autre, aux marches des pays Pueblo et Hopi, être maltraités comme esclaves par les Indiens, peu à peu, d'une certaine manière, se faire une place en étant reconnus comme guérisseurs. Et c'est d'ailleurs de cela dont il faut se justifier pour retourner dans la communauté des conquérants, c'est-à-dire affirmer qu'on est resté fidèle à son roi et à sa foi, alors même qu'on a tout de même soigné avec les fumées contre quelques médecins. Oui, mais c'était au nom de Jésus-Christ, explique-t-il, dans la relation qu'il publie, qui a beaucoup de succès, et qui le réintègre dans la communauté des conquérants. Et alors, il va exercer un métier de gouverneur ensuite? Oui, il continue sa carrière, c'est ça qui est assez extraordinaire d'ailleurs, après avoir été d'une manière quand même assez profonde, on le sent entre les lignes de son récit ébranlé par cette expérience d'un autre monde, eh bien, il continue sa carrière aux Amériques. Ce qui est extraordinaire dans le film de Nicolas Echevarria, on peut dire c'est l'anti-Lope de Aguirre. Aguirre, c'est le film d'Herzog, et puis évidemment Kinski, c'est la certitude de la conquête jusqu'à la mort, et finalement sans Indien. Il n'y a que des flèches qui tombent sur le radeau. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est du réalisme magique, au sens de cette école latino-américaine, et on bascule de plan en plan, de musique en musique, dans l'univers de l'autre, dans ce film mexicain. Alors, on bascule dans votre autre histoire des grandes découvertes, de la micro-histoire au vaste panorama, et pour continuer à naviguer entre les articles de ce collectif, je voulais finir par le thème les Européens vus d'Asie. Vous racontez comment, en 1540, Saint-François-Xavier, peut-être, a abordé au Japon. Alors, les Japonais l'ont trouvé absolument grotesque. C'est une soutane noire émergeant d'un navire noir. Nous sommes un peu plus tard, chez un shogun, au Japon donc toujours. En 1600, un pilote anglais d'un navire hollandais a échoué. Et le shogun le convoque pour savoir ce qu'il en est, pour satisfaire sa curiosité. ところでマリコ、この男に聞いてくれ。この男の国や王のこと。 Le seigneur Toralaga souhaite que vous lui parliez de vous et de votre pays. Il désire que vous lui parliez également de vos navires et de vos armes. Et il veut savoir quelle route vous avez prise. Le seigneur Toralaga demande par où vous êtes passé pour arriver au Japon. Par ici. Par le détroit de Magellan, à la pointe sud de l'Amérique. Il porte le nom du navigateur portugais qu'il a découvert il y a 80 ans. Depuis lors, les Espagnols et les Portugais ont caché l'existence. Nous sommes les premiers à l'avoir emprunté. Vous ne traduisez pas ? J'expliquerai tous ces détails au seigneur Toranaga lorsqu'il en exprimera le désir. En attendant, veuillez continuer. Il y a 70 ans, les rois d'Espagne et du Portugal ont signé un traité qui divisait la possession du Nouveau Monde, du monde inexploré, en deux parts égales. Votre pays se trouvant dans la moitié portugaise, officiellement, il appartient au Portugal. Le seigneur Toranaga, vous, ses gens, sa citadelle, ses biens, tout appartient au Portugal. Veuillez me pardonner, mais cela n'a pas de sens. Peut-être, mais c'est vrai. Ça n'a pas de sens, dit le shogun, qui prend pas tellement au sérieux ces individus périphériques. Parce que, vu d'Asie, vous le suggériez tout à l'heure, les Européens qui débarquent sont des commerçants ou des intermédiaires parmi d'autres, mais ils voyagent depuis l'absurdie. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tout ça est inspiré d'ailleurs d'une histoire vraie, hein, celle de William Adams. Une série télé de Jerry London. Voilà, et donc dont le livre 2 s'échoue sur les côtes et qui rencontrera effectivement Tokugawa, donc le shogun qui va unifier le Japon. Mais à nouveau, c'est une histoire intéressante puisque voilà, il y a cette idée que les Européens vont prendre l'Asie, la conquérir, mais en fait Adams est bien fini samouraï au service du shogun. Il est intégré dans les structures politiques et sociales asiatiques, comme celle-ci d'ailleurs intégrée depuis des siècles, de l'Inde à la Chine, des moines bouddhistes venus d'Asie, des commerçants venus des quatre coins des océans. Et donc dans une très longue période, qui court au moins jusqu'au milieu du XVIIe siècle, eh bien de fait, les Européens ne sont que des présences interstitielles et souvent même parasitaire dans un monde qui continue à fonctionner suivant ses propres lois et ses propres logiques. Donc, vu d'Asie, de fait, les Européens ne pèsent pas grand-chose. Et surtout, les Européens ne sont jamais devenus d'entrée de jeu le seul point de mire des imaginations et des histoires asiatiques. Une autre histoire des grandes découvertes au seuil. Nous allons poursuivre l'exploration de votre exploration du monde. Demain, nous parlerons des cartes et des plans. Et puis je vous propose cette citation d'Henri Michaud, le poète. « Toute civilisation est une impasse ». Méditez cela, Romain Bertrand. Fabrice Drouel, je salue Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Aurore Juvenel qui ont préparé cette émission, Juliette Gou à la réalisation, Louis Audebert à la technique.